Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 3, colonne 4. Nouvelles du Canada. Vendredi dernier, on a trouvé une dame Moisan, Montréal, morte dans son lit. Il n'y a pas eu d'enquête. Il a neigé, lundi dernier, à la Malbaie. Les amateurs du frais peuvent en prendre note et en tirer avantage si le cœur leur en dit. Par suite d'un remaniement ministériel, l'honorable monsieur Larivière est devenu ministre de l'Agriculture dans le cabinet du Manitoba. Un correspondant de Winnipeg écrit que le nombre des immigrants au Manitoba est depuis quelque temps 2 milliers par semaine. Les scieries de monsieur Jean Trottier à Saint-Albert ont été détruites par un incendie la semaine dernière. C'est la deuxième fois que pareil malheur arrive depuis 5 ans. Le marquis de Lansdowne, successeur du marquis de Lorne comme gouverneur du Canada, s'embarquera le 1er octobre prochain pour se rendre à son poste. Un lingot d'or pesant 300 onces et évalué à 6000 piastres a été apporté à Halifax lundi des mines de la rivière au saumon. Ce lingot est le produit du travail du mois dernier. Un enfant de 2 ans, fils de M. Paul Saint-Pierre, Montréal, s'est empoisonné en buvant du soda servant à la lessive. Un médecin ayant été appelé n'a rien pu faire pour le sauver. Vendredi dernier, une petite fille de M. Urgel Labelle, boulanger à Iberville, a été brûlée à mort par le feu qui s'est communiqué à ses habits alors qu'elle jouait avec son petit frère dans le grenier de la maison. Maxime Lemaire, commis du bureau de poste de Saint-Jean-Baptiste, a comparu devant la cour criminelle de Montréal pour vol de lettres contenant de l'argent. Il a été reconnu coupable et le jugement remis à plus tard. Un nommé Wilfred Lemaire, chartier transportant du charbon, calculant mal sa distance, recula trop en arrière sur le quai Longueuil et cheval, voiture et chartier tombèrent dans le fleuve et le malheureux Lemaire fut noyé. Vendredi dernier, près de la traverse de Longueuil, un nommé Ferdinand Lamoureux, âgé de 20 à 25 ans, chartier, s'est noyé avec son cheval en tombant dans l'eau du haut du quai et homme, cheval et voiture ont été engloutis et n'ont plus reparu. Madame Lafrenière, femme d'un agent de l'assurance de Montréal, s'est jetée par la fenêtre du 3e étage de l'hôpital Notre-Dame et s'est tuée. Elle a fait une chute de plus de 30 pieds. Elle n'avait que 28 ans et laisse 2 enfants en bas âge. Le conseil municipal de Lévis a accepté les offres de la compagnie du chemin de fer intercolonial et lui a vendu le terrain du marché et du voisinage pour 29 000 $. La compagnie doit y établir ses bureaux et ses entrepôts et magasins. Une maison en briques située sur le chemin Larocque, Valleyfield, appartenant à M. Polycarpe Montreuil, a été détruite par un incendie. Cette maison était habitée par Messieurs Leroux et J.N. Lalonde. Les 2 locataires ont pu sauver leurs meubles et effets. Le village de Napierville a été visité la semaine dernière par une affreuse tempête de vent qui a causé beaucoup de dommages. Une maison a été renversée et un homme tué. Un autre homme a été blessé par la chute de son écurie qui a été emportée par le vent. James Walker, un fermier bien connu du canton de Toronto, s'est suicidé, 7 courants, en se coupant la gorge avec un couteau de boucher. On attribue cet acte de désespoir au chagrin que Walker avait éprouvé de la mort de sa femme, décédée il y a 6 mois. Monsieur Benjamin Soult, en se rendant chez lui lundi après-midi à Ottawa, a fait une chute et s'est cassé une jambe près de la cheville du pied. Nous avons le plaisir d'apprendre que Monsieur Soult est en bonne voie de guérison et que son malheur n'aura d'autre suite qu'un repos forcé de 40 jours. Madame Chaput, épouse de Monsieur Chaput, négociant de la rue des Commissaires, Montréal, est morte subitement mardi dernier. La défunte souffrait depuis longtemps d'une maladie de cœur et l'émotion qu'elle ressentit par un rideau mis en feu par la maladresse de la servante en allumant le gaz l'obligea de se mettre au lit et quelques heures plus tard, elle était morte. Michel Bergeron, sujet bien connu des prisons, a été surpris l'autre soir au moment où il allait commettre un vol au magasin de M. Fanel, rue Murray, Montréal. Le gars avait défoncé une fenêtre et était occupé à s'emparer de l'argent et des marchandises qui se trouvaient dans le magasin, mais un agent de police est intervenu et l'a fait prisonnier. Il n'y a pas longtemps qu'il était sorti de la cage de l'État. Il y a environ 8 mois qu'un nommé John Martin, ouvrier, disparut de Hamilton. On supposait qu'il avait été tué sur le chemin de fer du Grand Tronc. Sa femme vit à Toronto, et dans les restes mortels d'un homme tué accidentellement, elle crut reconnaître son mari et prit le deuil. Le mort vient de rentrer à la maison, il y a un jour ou deux, en expliquant qu'il avait laissé sa famille pendant quelque temps pour aller prendre de l'ouvrage au loin. Monsieur J. Versailles, agent d'assurance, avait laissé, mardi dernier, son cheval et sa voiture à la porte de la demeure de Monsieur Emmanuel Boisvert, rue Richardson, Montréal, lorsqu'un nommé John Sheehan, journalier, s'en empara et prit la fuite. Monsieur Boisvert, averti immédiatement, se mit à la poursuite du voleur et le rejoignit au coin des rues Canning et Saint-Joseph, où il le livra à l'agent de police Fennell. Sheehan a été condamné le lendemain à subir son procès devant la cour d'assises. Monsieur G. Blount, chef de gare à Magog, rentrait à domicile vers 10 h vendredi soir quand il fut attaqué par 3 individus qui le garrottèrent et le battirent cruellement. Il était porteur d'une boîte contenant 400 $ qu'ils enlevèrent, mais ne trouvèrent point son portefeuille dans lequel il avait 130 $. Quelque temps après, un employé du chemin de fer trouva M. Blount couché par terre et sans connaissance. Le lendemain, la boîte, dans laquelle il y avait encore 100 $ que les voleurs avaient oubliés dans leur précipitation, a été retrouvée sur les bords du lac. La police informe et a bon espoir de découvrir les malfaiteurs. Une conférence des manufacturiers de coton du Canada a eu lieu à Montréal la semaine dernière. Toutes les filatures du pays, à l'exception d'une seule, étaient représentées. On a formé une association qui s'appellera Société des manufacturiers de coton canadiens. Il a été décidé de réduire la production des filatures pour une période déterminée afin d'empêcher l'accumulation de la marchandise et d'augmenter les prix qui ont été trop bas jusqu'ici. Les manufacturiers disent qu'ils ne se liguent pas pour augmenter les prix, mais il sera difficile de le faire croire au public en présence de leur démarche. Une assemblée publique a eu lieu dernièrement à Hochelaga pour discuter l'annexion de cette localité à la Cité de Montréal. Le maire, M. Préfontaine, a déclaré que pour demeurer séparé, il faudrait augmenter les taxes ou négocier un nouvel emprunt de 30 000 $ payable en 25 ans. L'annexion donnerait 3 représentants au Conseil de ville de Montréal, ce qui suffirait pour la sauvegarde des intérêts de Hochelaga. La municipalité obtiendrait en outre de grandes améliorations, telles que l'établissement de stations de police, la livraison des lettres à domicile, le prolongement de la ligne du chemin de fer urbain, etc. Sur une motion de M. l'abbé Valois, il a été voté à l'unanimité que l'annexion était préférable à l'état actuel des affaires. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.